Dès que je t'ai vu, mes yeux se sont ouverts. Ils se sont mis à briller, briller comme un soleil, avec une telle intensité que tout m'est apparu. N'avais-je pas raison de te regarder et de me laisser envoûter? Je ne rêvais pas, tu étais bien là. Et si bizarre était cette sensation que de t'aimer avec le cœur et non avec les yeux.